Chapitre 24e. Femme sans mari, amante sans amant. Quoique la reine eût fait elle-même demander André, quoiqu'elle s'attendît par conséquent à l'annonce qui venait d'être faite, elle tressaillit de tout son corps aux cinq mots que venait de prononcer Béba. C'est que la reine ne pouvait pas se dissimuler qu'entre elle et André, dans ce pacte fait, pour ainsi dire, dès le premier jour où, jeune fille, elle s'était vue au château de Tavernay. Il y avait eu un échange d'amitié et de services rendus dans lequel elle, Marie-Antoinette, avait toujours été l'obligée. Or, rien ne gêne les rois comme ces obligations contractées, surtout lorsqu'elles tiennent aux plus profondes racines du cœur. Il en résultait que la reine, qui envoyait chercher André, croyant avoir de grands reproches à lui faire, ne se rappelait plus, en se trouvant en face de la jeune femme, que les obligations qu'elle lui avait. Quant à André, elle était toujours la même, froide, calme, pure comme le diamant, mais tranchante et invulnérable comme lui. La reine hésita un instant pour savoir de quel nom elle saluerait la blanche apparition qui passait de l'ombre de la porte dans la pénombre de l'appartement et qui entrait peu à peu dans le cercle de lumière projeté par les trois bougies du candélabre placé sur la table où elle s'accoudait. Enfin, étendant la main vers son ancienne amie, « Soyez la bienvenue, aujourd'hui comme toujours, André, dit-elle. » Si forte et si préparée qu'elle se présenta aux Tuileries, ce fut à André de tressaillir à son tour. Elle avait reconnu, dans ces paroles que venait de lui adresser la reine, un souvenir de l'accent avec lequel autrefois lui parlait la dauphine. « Ai-je besoin de dire à votre majesté ?» répondit André, abordant la question avec sa franchise et sa netteté ordinaire, « que si elle m'eût toujours parlé comme elle vient de le faire, elle n'eût pas eu besoin, ayant à me parler, de m'envoyer chercher hors du palais qu'elle habite. » Rien ne pouvait mieux servir la reine que cette façon dont André entrait en matière. Elle l'accueillit comme une ouverture dont elle allait profiter. « Hélas, lui dit-elle, vous devriez le savoir, André, vous, si belle, si chaste et si pure. Vous, d'aucune haine n'a troublé le cœur. Vous, dont aucun amour n'a bouleversé l'âme. Vous, que les nuages de la tempête peuvent couvrir et faire disparaître comme une étoile qui, chaque fois que le vent balaye l'orage, reparaît plus brillante au firmament. Toutes les femmes, même les plus haut placées, n'ont pas votre immuable sérénité. Moi surtout, moi qui vous ai demandé secours et à qui vous l'avez si généreusement accordé. La reine, répondit André, parle du temps que j'avais oublié et dont je croyais qu'elle ne se souvenait plus. La réponse est sévère, André, dit la reine, et cependant, je la mérite et vous avez raison de me la faire. Non, c'est vrai, tant que j'étais heureuse, je ne me suis pas rappelé votre dévouement. Et cela peut-être parce qu'aucune puissance humaine, pas même la puissance royale, ne m'offrait un moyen de m'acquitter envers vous. Vous avez dû me croire ingrate, André, mais peut-être ce que vous preniez pour de l'ingratitude n'était que de l'impuissance. J'aurais le droit de vous accuser, madame, dit André, si jamais j'eusse désiré ou demandé quelque chose, et que la reine se fût opposée à mon désir et eût repoussé ma demande. Mais comment votre majesté veut-elle que je me plaigne, puisque je n'ai rien désiré ni demandé? Eh bien, voulez-vous que je vous le dise, ma chère André? C'est justement cette espèce d'indifférence des choses de ce monde qui m'épouvante en vous. Oui, vous me semblez un être surhumain, une créature d'une autre sphère emportée par un tourbillon et jetée parmi nous, comme ces pierres épurées par le feu, et qui tombent on ne sait de quel soleil. Il en résulte qu'on est d'abord effrayé de sa faiblesse en se trouvant en face de celle qui n'a jamais faibli. Mais ensuite, on se rassure, on se dit que la suprême indulgence est dans la suprême perfection, que c'est à la source la plus pure qu'il faut laver son âme. Et dans un moment de profonde douleur, on fait ce que je viens de faire, André. On envoie chercher cet être surhumain dont on craignait le blâme pour lui demander la consolation. Hélas, madame, dit André, si elle est réellement la chose que vous demandez de moi, j'ai bien peur que le résultat ne réponde pas à l'attente. André, André, vous oubliez dans quelles circonstances terribles vous m'avez déjà soutenu et consolé, dit la reine. André pâlit visiblement. La reine, la voyant chancelante et les yeux fermés, comme quelqu'un dont la force s'en bat, fit un mouvement de la main et du bras pour l'attirer sur le même canapé qu'elle. Mais André résista et demeura debout. Madame, dit-elle, si votre majesté avait pitié de sa fidèle servante, elle lui épargnerait les souvenirs qu'elle était presque parvenue à éloigner d'elle. C'est une mauvaise consolatrice que celle qui ne demande de consolation à personne, pas même à Dieu, parce qu'elle doute que Dieu lui-même ne soit pas impuissant à consoler certaines douleurs. La reine fixa sur André son regard clair et profond. « Certaines douleurs, » dit-elle. « Mais vous avez donc encore d'autres douleurs que celles que vous m'aviez confiées ?» André ne répondit pas. « Voyons, » dit la reine, « l'heure est venue de nous expliquer, et je vous ai fait quérir pour cela. Vous aimez Monsieur de Charny ?» André devint pâle comme une morte, mais resta muette. « Vous aimez Monsieur de Charny ?» répéta la reine. « Oui, » dit André. La reine poussa un cri de lionne blessée. « Oh, » dit-elle, « je m'en doutais. Et depuis quand l'aimez-vous ?»« Depuis la première heure où je l'ai vue. » La reine recula, effrayée devant cette statue de marbre qui s'avouait une âme. « Oh, » dit-elle, « et vous vous êtes tue ? Vous le savez mieux que personne, madame. Et pourquoi cela ? Parce que je me suis aperçu que vous l'aimiez. Voulez-vous donc dire que vous l'aimiez plus que je ne l'aimais, puisque je n'ai rien vu ?»« Ah !» dit André avec amertume. « Vous n'avez rien vu parce qu'il vous aimait, madame. » « Oui, et je vois maintenant parce qu'il ne m'aime plus. » « C'est cela que vous voulez dire, n'est-ce pas ?» André resta muette. « Mais répondez donc !» dit la reine en lui saisissant non plus la main mais le bras. « Avouez qu'il ne m'aime plus !» André ne répondit ni par un mot, ni par un geste, ni par un signe. « En vérité, » s'écria la reine, « c'est à en mourir. Mais tuez-moi donc tout de suite en me disant qu'il ne m'aime plus !» Voyons, il ne m'aime plus, n'est-ce pas ? L'amour ou l'indifférence de Monsieur le comte de Charny sont ses secrets. Ce n'est point à moi de les dévoiler, répondit André. Oh, ses secrets ! Non pas à lui seul, car je présume qu'il vous a prise pour confidente, dit la reine avec amertume. Jamais Monsieur le comte de Charny ne m'a dit un mot de son amour ou de son indifférence pour vous. Pas même ce matin. Je n'ai pas vu Monsieur le comte de Charny ce matin. La reine fixa sur André un regard qui cherchait à pénétrer au plus profond de son cœur. « Voulez-vous dire que vous ignorez le départ du comte ? Je ne veux pas dire cela. Mais comment connaissez-vous ce départ si vous n'avez pas vu M. de Charny ? Il m'a écrit pour me l'annoncer. »« Ah, dit la reine, il vous a écrit. » Et de même que Richard III, dans un moment suprême, avait crié « Ma couronne pour un cheval !» Marie-Antoinette fut près de crier « Ma couronne pour cette lettre !» André comprit ce désir ardent de la reine, mais elle voulut se donner la joie de laisser un instant sa rivale dans l'anxiété. « Et cette lettre que le comte vous a écrite au moment du départ, j'en suis bien sûr, vous ne l'avez pas sur vous. »« Vous vous trompez, madame, » dit André, « la voici. » Et tirant de sa poitrine la lettre, tiède de sa chaleur et embaumée de son parfum, elle l'attendit à la reine. Celle-ci la prit en frissonnant, la serra un moment entre ses doigts, ne sachant pas s'il devait la conserver ou la rendre, et regarda André avec des sourcils froncés. Puis enfin, jetant loin d'elle toute hésitation, « Oh !» dit-elle, « la tentation est trop forte. » Elle ouvrit la lettre, et se penchant vers la lumière du candélabre, elle lut ce qui suit. « Madame, je quitte Paris dans une heure sur un ordre formel du roi. Je ne puis vous dire où je vais, pourquoi je pars, ni combien de temps je resterai hors de Paris. Toute chose qui, probablement, vous importe fort peu, mais que j'eusse cependant désiré être autorisé à vous dire. » J'ai eu un instant l'intention de me présenter chez vous pour vous annoncer mon départ de vive voix, mais je n'ai point osé le faire sans votre permission. La reine savait ce qu'elle désirait savoir. Elle voulut rendre la lettre à André, mais celle-ci, comme si c'eût été à elle de commander et non d'obéir. « Allez jusqu'au bout, madame, » lui dit-elle. La reine reprit la lecture. « J'avais refusé la dernière mission que l'on m'avait offerte, parce que je croyais alors, pauvre fou, qu'une sympathie quelconque me retenait à Paris. » Mais depuis, hélas, j'ai acquis la preuve du contraire, et j'accepte avec joie cette occasion de m'éloigner des cœurs auxquels je suis indifférent. Si, pendant ce voyage, il en arrivait de moi, comme du malheureux Georges, toutes mes mesures sont prises, madame, pour que vous soyez instruite, la première, du malheur qui m'aurait frappé, et de la liberté qui vous serait rendue. Alors seulement, madame, vous sauriez quelle profonde admiration a fait naître dans mon cœur votre sublime dévouement, si mal récompensé par celle à qui vous avez sacrifié, jeune, belle et née pour être heureuse, la jeunesse, la beauté et le bonheur. Alors, madame, tout ce que je demande à Dieu et à vous, c'est que vous accordiez un souvenir au malheureux qui, si tard, s'est aperçu de la valeur du trésor qu'il possédait. Tous les respects du cœur, comte Olivier de Charny. La reine tendit la lettre à André, qui la reprit cette fois, et laissa retomber près d'elle, avec un soupir, sa main inerte presque inanimée. « Eh bien, madame, » murmura André, « êtes-vous trahi ? Ai-je manqué ? je ne dirai pas la promesse que je vous ai faite, car jamais je ne vous ai fait de promesse, mais à la foi que vous aviez mise en moi. Pardonnez-moi, André, dit la reine, j'ai tant souffert. Vous avez souffert. Vous osez dire devant moi que vous avez souffert. Et moi, que dirais-je donc? Oh, je ne dirai pas que j'ai souffert, car je ne veux pas employer une parole dont se soit déjà servie une autre femme pour peindre la même idée. Non, il me faudrait un mot nouveau, inconnu, inouï, qui fût le résumé de toutes les douleurs, l'expression de toutes les tortures. Vous avez souffert? Et cependant, vous ne l'avez pas vu, madame, l'homme que vous aimiez, indifférent à cet amour, se retourner, à genoux et son cœur dans les mains, vers une autre femme. Vous n'avez pas vu votre frère, jaloux de cette autre femme, qu'il adorait en silence, et comme un païen sa divinité, se battre avec l'homme que vous aimiez? Vous n'avez pas entendu l'homme que vous aimiez, blessé par votre frère, d'une blessure crue un instant mortelle, n'appeler dans son désir que cette autre femme, dont vous étiez la confidente? Vous n'avez pas vu cette autre femme se glisser comme une ombre dans les corridors où vous erriez vous-même pour entendre ses accents de délire, qui prouvaient que si un amour insensé ne survivait point à la vie, il l'accompagnait au moins jusqu'au seuil du tombeau. Vous n'avez pas vu cet homme, revenant à la vie par un miracle de la nature et de la science, ne se lever de son lit que de tomber aux pieds de votre rival. De votre rival, oui, madame, car en amour, c'est à la grandeur de l'amour que se mesure l'égalité des rangs. Vous ne vous êtes point alors, dans votre désespoir, retiré à 25 ans dans un couvent, cherchant à éteindre sur les pieds glacés d'un crucifix cet amour qui vous dévorait. Puis un jour, quand après un an de prière, d'insomnie, de jeûne, de désirs impuissants, de cris de douleur, vous espériez avoir, sinon éteint, du moins endormi la flamme qui vous consumait, vous n'avez pas vu cette rivale, votre ancienne amie, qui n'avait rien compris, qui n'avait rien deviné, venir vous trouver dans votre solitude pour vous demander quoi? Au nom d'une ancienne amitié que les souffrances n'avaient pu altérer, au nom de son salut comme épouse, au nom de la majesté royale compromise, venir vous demander d'être la femme de qui? De cet homme que depuis 3 ans vous adoriez. Femme sans mari, bien entendu, un simple voile jeté entre les regards de la foule et le bonheur d'autrui, comme un linceul est étendu entre un cadavre et le monde. Vous n'avez pas dominé, non point par la pitié. L'amour jaloux n'a pas de miséricorde, et vous le savez bien, vous, madame, qui m'avez sacrifié. Vous n'avez pas dominé par le devoir, accepté l'immense dévouement. Vous n'avez pas entendu le prêtre vous demander si vous preniez pour époux un homme qui ne serait jamais votre époux. Vous n'avez pas senti cet homme vous passer au doigt un anneau d'or qui, gage d'une éternelle union, n'était pour vous qu'un vain et insignifiant symbole. Vous n'avez pas, une heure après la célébration du mariage, quittez votre époux pour ne le revoir que comme l'amant de votre rival. Ah, madame, madame, les 3 années qui viennent de s'écouler sont, je vous le dis, 3 cruelles années. La reine souleva sa main défaillante, cherchant la main d'André. André écarta la sienne. « Moi, je n'avais rien promis, dit-elle, et voilà ce que j'ai tenu. Vous, madame, continua la jeune femme, se faisant accusatrice, vous m'aviez promis 2 choses. « André, André !» fit la reine. « Vous m'aviez promis de ne pas revoir M. de Charny. Promesse d'autant plus sacrée que je ne vous la demandais pas. « André !» Puis, vous m'aviez promis, oh, cette fois par écrit, vous m'aviez promis de me traiter comme une sœur. Promesse d'autant plus sacrée que je ne l'avais pas sollicitée. « André !» Faut-il que je vous rappelle les termes de cette promesse que vous m'avez faite dans un moment solennel, dans un moment où je venais de vous sacrifier ma vie, plus que ma vie, mon amour, c'est-à-dire mon bonheur en ce monde et mon salut dans l'autre. Oui, mon salut dans l'autre, car on ne pèche point que par action, madame, et qui me dit que le Seigneur me pardonnera mes désirs insensés, mes vœux impies. Eh bien, dans ce moment où je venais de tout vous sacrifier, vous m'avez remis un billet. Ce billet, je le vois encore. Chaque lettre flamboie devant mes yeux. Ce billet, il était conçu en ces termes. « André, vous m'avez sauvé. Mon honneur me vient de vous. Ma vie est à vous. Au nom de cet honneur qui vous coûte si cher, je vous jure que vous pouvez m'appeler votre sœur. Essayez, vous ne me verrez pas rougir. Je remets cet écrit entre vos mains. C'est le gage de ma reconnaissance. C'est la dot que je vous donne. Votre cœur est le plus noble de tous les cœurs. Il me saura gré du présent que je vous offre. Marie-Antoinette. La reine poussa un soupir d'abattement. « Oui, je comprends, » dit André. « Parce que j'ai brûlé ce billet. Vous croyez que je l'avais oublié ? Non, madame, non. Vous voyez que j'en avais retenu chaque parole. Et au fur et à mesure que vous paraissiez ne plus vous en souvenir, oh, moi, je me la rappelais davantage. Ah, pardonne-moi, pardonne-moi, André, je croyais qu'il t'aimait. Vous avez donc cru que c'était une loi du cœur, que parce qu'il vous aimait moins, madame, il devait en aimer une autre ? André avait tant souffert qu'elle devenait cruelle à son tour. « Vous aussi, vous êtes donc aperçu qu'il m'aimait moins ?» dit la reine avec une exclamation de douleur. André ne répondit pas. Seulement, elle regarda la reine éperdue, et quelque chose comme un sourire se dessina sur ses lèvres. « Mais que faut-il faire, mon Dieu ? Que faut-il faire pour retenir cet amour, c'est-à-dire ma vie qui s'en va ? Oh, tu sais cela, André. Mon ami, ma sœur, dis-le-moi, je t'en supplie, je t'en conjure. » Et la reine étendit les deux mains vers André. André recula d'un pas. « Puis-je savoir cela, madame ? » dit-elle, « moi qui ne l'ai jamais aimé. » « Oui, mais il peut t'aimer. Un jour, il peut venir à tes genoux faire amende honorable du passé, te demander son pardon pour tout ce qu'il t'a fait souffrir. Et les souffrances sont si vite oubliées, mon Dieu, dans les bras de celui qu'on aime. Le pardon est si vite accordé à celui qui nous a fait souffrir. Eh bien, ce malheur arrivant, oui, ce serait probablement un malheur pour toutes deux, madame. Oubliez-vous qu'avant d'être la femme de M. de Charny, il me resterait un secret à lui apprendre, une confidence à lui faire. Secret terrible, confidence mortelle, qui tuerait à l'instant même cet amour que vous craignez. Oubliez-vous qu'il me resterait à lui raconter ce que je vous ai raconté à vous. Vous lui diriez que vous aviez été violée par Gilbert ? Vous lui diriez que vous avez un enfant ? Oh, mais en vérité, madame, dit André, pour qui me prenez-vous donc de manifester un pareil doute ? La reine respira. Ainsi, dit-elle, vous ne ferez rien pour essayer de ramener à vous, monsieur de Charny ? Rien, madame. Pas plus dans l'avenir que je ne l'ai fait dans le passé. Vous ne lui direz pas ? Vous ne lui laisserez pas soupçonner que vous l'aimez ? À moins que lui-même ne vienne me dire qu'il m'aime ? Non, madame. Et s'il vient vous dire qu'il vous aime ? Si vous lui dites que vous l'aimez, vous me jurez ? Oh, madame ! Fit André, interrompant la reine. Oui, dit la reine, oui, vous avez raison, André. Ma sœur, mon amie, et je suis injuste, exigeante, cruelle. Oh, mais quand tout m'abandonne, amis, pouvoir, réputation, oh, que je voudrais au moins que cet amour auquel je sacrifierais réputation, pouvoir, amis, je voudrais au moins que cet amour me restât. Et maintenant, madame, dit André, avec cette froideur glaciale qui ne l'avait abandonnée qu'un seul instant, quand elle avait parlé des tortures souffertes par elle. « Avez-vous quelques nouveaux renseignements à me demander, quelques nouveaux ordres à me transmettre ?»« Non, rien, merci. Je voulais vous rendre mon amitié, et vous la refusez. Adieu, André. Emportez au moins ma reconnaissance. » André fit de la main un geste qui semblait repousser ce second sentiment, de même qu'elle avait repoussé le premier, et faisant une froide et profonde révérence, sortit, lente et silencieuse comme une apparition. « Oh, tu as bien raison, corps de glace, cœur de diamant, âme de feu, de ne vouloir ni de ma reconnaissance ni de mon amitié, car je le sens, et j'en demande pardon au Seigneur, mais je te hais, comme je n'ai jamais haï personne, car s'il ne t'aime déjà, oh, j'en suis bien sûr, il t'aimera un jour. » Puis, appelant Weber, « Weber, dit-elle, tu as vu M. Gilbert ? Oui, Votre Majesté, répondit le valet de chambre. À quelle heure viendra-t-il demain matin ? À 10 heures, madame. C'est bien, Weber. Préviens mes femmes que je me coucherai sans elles ce soir, et que, souffrante et fatiguée, je désire qu'on me laisse dormir demain jusqu'à 10 heures. La première et la seule personne que je recevrai sera M. le docteur Gilbert. »